Continuons avec ser et estar. Si vert se dit verde, V-E-R-D-E, pensez à verdoyant, comment direz-vous « ma voiture est verte » ? C'est ça, « mi coche es verde ». Pour trouver les noms des autres couleurs, consultez le livret accompagnant la méthode. Donc, on a utilisé ici « ser » car l'on a décrit une caractéristique de la voiture. Toutefois, si « sal » se dit « sucio », S-U-C-I-O, comment dira-t-on « la voiture est verte, mais elle est très sale ». Notez qu'avec « sale », on ne décrit pas une caractéristique permanente, mais plutôt quelque chose de passager. Je vous redonne la phrase. « La voiture est verte, mais elle est très sale ». El coche es verde, pero está muy sucio. El coche es verde, car elle est toujours verte, mais está muy sucio, car elle est sale en ce moment, mais peut-être propre demain. Avez-vous pensé aussi à dire sucio et non sucia, vu que coche est masculin en espagnol? Ser s'utilise aussi dans les expressions telles que il est nécessaire que, il est normal que, etc. À l'oral, on dit plutôt en français c'est nécessaire que, et on utilisera aussi ser en espagnol. En effet, comme nous l'avons vu tout à l'heure pour traduire c'est, on emploie presque toujours ser. Comment direz-vous alors à une personne que vous voyez il est nécessaire que vous veniez aujourd'hui? Es necesario que venga hoy. Es necesario que venga hoy. Les tournures telles que es necesario que sont toujours suivies du subjonctif, comme en français d'ailleurs. On a donc venga. On utilise aussi ser pour indiquer la profession de quelqu'un. Donc, comment diriez-vous mon père est ingénieur? Mi padre es ingeniero. Mi padre es ingeniero. Et vous, quelle est votre profession? Vous devrez répondre soy.